Page 99. Activité 4. Piste 89. 1. Elle est petite. Elle a les cheveux courts. 2. Il est très grand. Il a les yeux bleus. 3. Elle a les cheveux longs. Elle est grande et mince. 4. Il est blond. Il est petit.